Et qu'en plus il a de chameaux, après, qu'il possède, après, ce n'est plus des moutons, après, c'est des chameaux qu'il doit sortir d'un âge spécifique, d'une caractéristique spécifique qu'on va étudier, Inch'Allah, en détail. Et c'est ça ce qu'on appelle l'appât, d'accord? J'espère que c'est. Exactement, chat, ça s'écrit comme ça. Un chena alif et un tamarbuta. Et non pas C-H-A-T. Donc j'espère que j'ai été clair pour c'est quoi la définition du mot par en arabe, nisrab. Noun, sod, alif et un ba. Nisrab. D'accord, barakouf. Ok, donc c'est. S'il n'y a plus une question, donc là on va commencer, Inch'Allah, maintenant. C'est déjà 10h moins le quart, donc ça fait presque 3 quarts d'heure qu'on est sur le fiqh. On va commencer sur le tawhid. Alhamdulillah. Donc on enchaîne, Inch'Allah, sur. Alors aussi, là, j'ai mis un lien, partage facile, pour que vous ayez le texte en arabe de base du livre qu'on va faire, qui fait 6 pages. C'est une compilation de petites épîtres du cheikh Mohammed al-Wahhab rahimahullah. À la base, c'est ce qu'on appelle al-wajibat al-mutahattimat ala kulli muslim wal-muslima al-ma'rifa. Al-wajibat al-mutahattimat al-ma'rifa ala kulli muslim wal-muslima. Ce sont les obligations obligatoires qui incombent de connaître sur chaque musulman et musulmane. Ce sont, il y a plusieurs dedans, et petites épîtres du cheikh Mohammed al-Wahhab rahimahullah. J'ai pris donc al-wajibat et j'ai enlevé certaines épîtres pour faire pour alléger, et par contre, bah, je l'ai plus appelé le wajibat, je l'ai appelé at-tawhid wa ma yudadduhu wa at-takfir. Donc le tawhid est ce qui va à son encontre, donc ce contraire, yudadduhu, ça est diddu, wa at-takfir, et donc le takfir. Voilà, et normalement, j'ai mis le lien, je vais le remettre pour le lien pour le partage facile pour ceux qui veulent l'avoir en arabe, d'accord. Ça, c'est un test que ça, par contre, c'est un texte. Donc il y a les épîtres du cheikh Mohammed Wahhab, rahimahullah, et il y a des indentations que j'ai fait, que j'ai écrites. D'accord? Donc si ceux qui veulent le texte en entier, le voilà. Voilà, c'est sur ce lien-là. Il faut aller sur ce lien-là. Donc normalement, quand vous cliquez, vous tombez sur la page Paltalk. Donc regardez là où il y a l'URL, là où il y a le lien. Vous enlevez tout ce qui a, quand il y a marqué www, pas le top, tout ça, vous l'effacez, il va rester www.partage facile, etc. Et donc là, vous relancez et vous allez aller sur le lien, d'accord. Il n'y a pas, Abu Tamima, il n'y a pas. Ah, si, normalement, il marche, hein, j'ai déjà essayé, j'ai même essayé maintenant. Je vois pas. Ah, oh, subhanallah. Ben pourtant, certains le voient et moi je le vois. C'est peut-être, il est possible que ceux qui ont des portables ou quoi ne voient pas les liens. C'est possible que ce soit ça. Hein. Moi, ça se voit et puis il y a des personnes, des frères ou des sœurs qui pourtant le voient. Sinon, comme je vous l'ai dit, vous allez sur islam.france sur Verbe Blog et là vous avez dans le cours de fil, dans le cours de Rakeda et dans le cours de Rakeda, Inch'Allah, vous l'aurez. Mais là, vous aurez le wajibat. Non, vous ne l'aurez pas. C'est vrai qu'il faut que je le mette là-bas s'il n'y est pas encore. Désolé. Ok, donc ça doit être sur ça. Le problème, c'est ceux qui sont sur portable ne doivent pas voir tous les textes. Ouais, c'était l'autre par rapport à ça, alors. Donc, désolé si... Inch'Allah, je verrai avec le frère qui s'occupe du site Repère de Sagesse. Mais si, justement, je lui ai donné, allez sur le site et là, ou la face Facebook, Inch'Allah, de Repère de Sagesse, donc Repère, comme ça c'est écrit Repère, et 2, c'est le chiffre 2, hein, c'est pas DE, mais le chiffre, le numéro 2, le chiffre 2, et plus loin Sagesse, d'accord, c'est tout ça accroché, allez sur ce site-là, et il a, je l'avais donné aujourd'hui en plus, normalement j'espère qu'il l'a fait, il a mis sur son site les deux liens pour avoir les deux livres originaux, donc le livre de Fiqh en arabe, et le test qu'on va faire maintenant dans Tawhid qui est en arabe, d'accord. Donc on y va. On commence le cours de Tawhid, Inch'Allah, Alhamdulillah. On va commencer par la première petite épître. Donc, quand le cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah, donc le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, qui est décédé en 1206 de la Hijra. D'accord. Donc là, en 1435, ça fait plus de 200 ans. A dit ceci. Asluddin wa qaidatuhu amran. la base de la région, ou encore il a tout, et sa règle, ou sa base, parce que Qaïda, on l'utilise aussi pour le mot base, sont deux choses. D'accord ? L'origine, la base de la région, c'est quoi ? Ce sont deux choses. Ensuite, il dit la première, il va donner la définition de la première chose. الأول أمرا ال ال ال الأول الأمر بعلمة الله وحده لا شريك له. Donc la première, donc deux choses ou deux affaires comme on peut dire en français. Hein. Donc la première affaire c'est quoi? C'est الأمر بعلمة الله. C'est l'ordre, le fait d'ordonner, d'adorer Allah عز وجل وحده لا شريك له. Seul, sans associé. D'accord? Et donc c'est là c'est comme vous le savez, c'est la définition du mot « La ilaha illallah », pas de divinité par droit, sauf Allah. Donc, il n'y a pas d'adoration à donner, sauf à Allah, Azza wa Jal, et à personne d'autre, et à rien d'autre. Ensuite, il dit « Wa tahridu ala dhalik ». Et donc, inciter à ceci, donc, appeler les gens à cela. Donc, à adorer Allah, Azza wa Jal, seul. Ensuite, il dit « Wal muwalatu fi ». Et donc, s'allier dans cela, dire qu'on doit prendre alliance avec les musulmans et non pas avec les mécréants. Et quatrième chose qu'il cite dans la première Asuddin, وَالتَّكْفِيرُ مَنْ تَرَكَ وَالتَّكْفِيرُ مَنْ تَرَكَ. Et donc faire le takfir de celui qui l'a délaissé. Donc celui qui a délaissé le fait d'adorer Allah Azzawajal seul. Donc celui qui a fait du shirk. Et on va voir toutes les formes de shirk. On va étudier Inch'Allah dans l'ordre. Ou du moins peut-être pas toutes, mais beaucoup de formes de shirk qu'il y a, ça va venir, Inch'Allah, dans ce cours-là. Il n'y a pas seulement la prosternation pour adorer Allah comme shirk, il y a d'autres shirk, d'accord. Et donc là, parmi la première affaire qui fait, avec sa deuxième affaire, comme on va voir, qui fait que c'est la base de la religion, c'est quoi aussi? Comme le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, dit, Wattakfir. Donc là, j'insiste pour bien faire comprendre à certains et à certaines aussi que le mot takfir est utilisé par les savants, d'accord, sans aucun problème. Excusez-moi, il y a juste. Voilà, je suis en train de faire un peu d'anin avant de commencer. Voilà. Excusez-moi. Comme vous avez vu, je suis désolé, mais je vous interdis de parler, de prendre le micro ou d'écrire. Afin que vous soyez sage durant le cours. Barakallahu fikoum. Donc je reprends. On était au mot takfir. Voilà, oui. Donc le cheikh Mohammed ibn al-Wahhab a utilisé aussi le mot takfir. D'accord. Donc le mot takfir, qui est le masdar du verbe kaffara yukaffiru, takfir, hein, qui veut dire déclarer d'une personne qu'il est kafir. Ça veut dire ça, le takfir. Exemple. Il y a le pape en ce moment, je ne me rappelle plus le nom du nouveau pape, excusez-moi. Je ne veux pas vraiment expliquer pour ce kafir, ce tarout qui est le pape là. Je dis, le pape là, en ce moment qui est au Vatican, d'accord, c'est un kafir. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire un takfir. Il n'y a pas de problème. D'accord. Je sais pas moi, François Hollande, je déclare, c'est un kafir, c'est un mécréant. Je viens de faire un takfir sur l'individu précis qui s'appelle François Hollande, le président de la République française. D'accord. Etc. Que ce soit Obama ou je ne sais quoi encore. Donc là, personne normalement va me dire de problème. Donc je viens de faire un takfir. Et contrairement à ce que certains peuvent penser, takfir, c'est pas déclarer un musulman de mécréant, c'est déclarer une personne telle quel qu'il soit, musulman à la base ou pas, qu'il est mécréant. Ça, c'est un takfir, d'accord. Bien sûr, quand une personne musulmane se prétend toujours musulmane et qui vient avec un kufr et que l'argument a été posé contre lui et tout ça, on va faire un takfir seulement. Donc, on va déclarer qu'il est mécréant. D'accord. Voilà. Pour ça, c'est par rapport au mot takfir. Donc, c'est ce que certains, comme vous savez, quand on dit juste le mot takfir comme ça, c'est comme si, en fin de compte, on avait dit que c'est quelque chose qu'il ne fallait pas dire, comme si c'était une grossièreté, une vulgarité, ou le fait de prononcer ce mot-là, ça y est, vous êtes un moubtadir, un hizbi, un takfiri, le mot takfiri, parmi les khalouj ou quoi que ce soit. Non, le mot takfir, c'est un terme technique qui est utilisé parmi les savants et parmi tous les musulmans qui se doivent. Donc le cheikh Mohamed Wahhab rahimahullah a dit wa takfiru man taraka, et donc de déclarer mécréant celui qui a délaissé, quoi, le fait d'adorer Allah azza wa jalla seul. Donc parmi la base de la religion, il est indéniable qu'il faut faire le takfir, mes frères et mes sœurs. Il faut faire le takfir sur celui qui adore autre qu'Allah. Nous devons faire le takfir comme a dit le cheikh Mohamed Ibn Wahhab rahimahullah. Ensuite, la deuxième affaire, d'accord, parce que je vous répète, le cheikh Mohamed Ibn Wahhab rahimahullah a dit As-Suddin wa Qaidatu Amran. La base de la religion et sa règle, ou sa base, sont deux affaires, deux choses. On a vu la première. La deuxième chose, vous allez voir, c'est le contraire. C'est la même chose, mais en son contraire. Al-Thani, donc la deuxième affaire, c'est quoi? Al-Inzaru an-Shirk. Donc prévenir du shirk, c'est-à-dire prévenir les gens, d'accord. Donc là, c'est pas ordonné de faire le shirk, mais c'est comme la première chose, c'était Al-Amr bi ibadatillah, l'ordre ordonné d'adorer Allah seul, et là, c'est son contraire, c'est de prévenir du shirk, donc c'est interdire aux gens de faire le shirk. Donc le shirk, qui veut dire, notamment là, adorer autre qu'Allah par n'importe quelle forme d'adoration. Mais on va définir aussi plus tard, quand ça va venir, Inch'Allah, exactement le mot shirk, d'accord. Parce que le shirk, exactement, la meilleure définition, Inch'Allah, c'est ça, c'est taswiyatu ghayra billah. C'est le fait de mettre à l'égal d'Allah autre qu'Allah, waliyadu billah, d'accord. Donc le cheikh Mohammed Ibn Wahhab rahimahullah dit, Thani, la deuxième affaire, qui fait fait partie de la base de la religion, donc le fait de prévenir du shirk dans l'adoration à Allah. Donc il faut interdire les gens, les appeler à ne pas adorer, il faut les appeler à ce qu'ils n'adorent pas autre qu'Allah. Il faut adorer Allah azawajal seul. Ensuite il dit wa tarizu fi dhalik. Tariz, donc être âpre, être dur, c'est-à-dire qu'il faut réprimander ceci. Il ne faut pas insister, mais c'est le contraire d'inciter, d'accord. Dans ceci. Troisièmement, wal mu'adat fi, et donc prendre en animosité, et non, donc c'est le contraire de ce qu'on a vu dans la première affaire qui était al mu'ala, c'est le s'allier, et là le contraire d'al mu'ala c'est al mu'ada, donc prendre en animosité, dire que justement ne pas s'allier dans ceci, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'allier avec les mushrikoun, les al-kafiroun, d'accord. Et quatrième chose, et bien le cher Mohammed Ibn Wahhab rahimahullah, il remet ça et il dit wa takfir. Et de faire le takfir, donc de déclarer mécréant man fa'alahu, celui qui l'a fait, d'accord. Par exemple, une personne qui se dit musulmane, d'accord, qui fait la shahada, qui fait la prière, qui jeûne le mois de Ramadan, et qui par exemple va sur une tombe et dit à la personne qui est enterrée, oh un tel, guéris-moi, oh un tel, fais-moi rentrer au paradis, il a adoré autre qu'Allah azza wa jal, et bien il n'est pas musulman, c'était un kafir, c'est un mouchlik, d'accord. Et donc, il est bien sûr sur nous de faire le takfir de cet individu. Et ça fait partie de la base de la religion. Voilà. Donc maintenant, le petit épître du cheikh Mohammed Ibn Wahhab rahimahullah est fini. D'accord. Ça donne la couleur aussi de la croyance et du minhaj du cheikh Mohammed Ibn Wahhab rahimahullah et de ce que tout musulman aussi doit avoir. Et on va lire une annotation. On va commencer par Al-Wala Al-Wal-Bara. Ce qu'on appelle Al-Wala Wal-Bara, qui ici a été marqué par Al-Mu'ala wa Al-Mu'ada. Ce qu'on appelle Al-Wala Wal-Bara. L'alliance et le désaveu. Donc s'allier aux musulmans et se désavouer des mécréants. Juste une petite chose. Faire de la vente avec un mécréant, il n'y a pas de problème. On peut très bien acheter ou vendre quelque chose à un mécréant. Le pacte de vente est tout à fait autorisé. Hein. C'est avant tout, par exemple, quand on rentre dans la guerre, s'allier à des mécréants pour faire la guerre contre des musulmans, là c'est totalement interdit, mais c'est du shirk, comme on voit, c'est du kufr. C'est une annulation de l'islam, comme on va étudier aussi, justement, les fameux 10 annulations de l'islam que le cheikh Mohammed Ibn Wahhab, rahimahullah, a cité. D'accord ?